cœur, c'est toi qui l'avais. Tu n'en avais rien à faire, dis-moi. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Ne me dis pas que t'es navré. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Tu n'en avais rien à faire, dis-moi. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Sinon, comme la vie est imprévisible, ma réussite, c'est dans tes yeux que je veux la vivre. Tu sais, ma vie, le meilleur était à venir. T'as fait ton choix, ouais, et pourtant j'ai essayé. Encore, encore essayé. Pourtant j'ai essayé. Hélas, hélas, hélas, hélas, hélas. Je reconnais ton visage, de jour comme de nuit. Comme de nuit. Et tu me rappelles vaguement une princesse Jasmine. C'est déjà tout de moi entre l'Asie et la street. Regarde-moi dans les yeux que je te rends ma boule. Ne me dis pas que t'es navré. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Tu n'en avais rien à faire, dis-moi. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Ne me dis pas que t'es navré. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. Tu n'en avais rien à faire, dis-moi. Où est mon cœur, c'est toi qui l'avais. On a cassé toutes les barrières. La journée d'aujourd'hui est bien pire que celle d'hier. Le passé est très loin derrière, derrière. Où sont passés tous nos baby, baby. Je crois qu'on a cassé toutes les barrières. La journée d'aujourd'hui est bien pire que celle d'hier. Le passé est très loin derrière, derrière. Où sont passés tous nos baby, baby. Je reconnais ton visage, de jour comme de nuit. Et tu me rappelles vaguement une princesse Jasmine. Tu sais déjà tout de moi entre la zik et la street. Regarde-moi dans les yeux que je te rends de ma boule. Je reconnais ton visage de jour comme de nuit. Comme de nuit. Et tu me rappelles vaguement une princesse Jasmine. Jasmine. Tu sais déjà tout de moi entre la zik et la street.